我特别。 Bonsoir, sympa. Pas mal ce son là. C'est quoi ce truc? Van 51 Scoop. We'll be right back. C'est pas mal ça. Pas puissante ça.